Chers êtres invisibles, chers confrères en soufflologie, je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mes travaux. Ceci est un texte préparatoire à une étude qui sera menée bien plus tard. Mon nom soufflé est A-Heb-El. Je suis étudiant en soufflologie cosmique. J'étudie la part de souffle en chaque chose, en particulier sur la planète Terre, où nous avons répertorié une densité, une mixité et une intensité de souffle incomparables avec d'autres planètes. Vous le savez peut-être, mais la particularité de ces souffles est qu'ils sont extrêmement vulnérables à cause de leur dépendance à ce qu'ils appellent le corps. Si les souffles existent seulement dans certains environnements cosmiques, leurs conditions d'émergence et leurs apparitions restent mystérieuses. Nous sommes donc d'abord intéressés aux échanges chimiques que proposent les souffles. Et puis, à force d'observation, il nous est apparu qu'une espèce autochtone des animaux, extrêmement variée dans ses formes, use de ce souffle pour produire du son. Des sons qui ont l'air d'avoir en quantité illimitée et qu'ils s'échangent tout au long de leur existence. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux êtres humains. C'est d'ailleurs le nom que se donnent ces étranges autochtones. Si nous autres, êtres invisibles et intangibles, nous sommes affranchis de tout ce qui respire et que nous existons grâce à d'autres procédés, les êtres qui peuplent la Terre, eux, à quelques exceptions près, paraissent tenir plus que tout à leur mortalité et donc à leur souffle. Cet attachement est unique. Dans mes recherches, j'ai relevé que le souffle pouvait être transformé en chant et que celui-ci était appelé art. Aux côtés de cette catégorie de souffle bien étudiée, je propose de nous pencher, oui, je l'ai nommé ainsi, l'effet d'appel. Mais passons-en au fait sonore. Alors que je me trouvais sur la planète Sirius, qui offre un beau panorama d'écoute, idéal pour qui veut arpenter la Terre grâce à des jumelles sonores, appelées audioscopes, j'ai cru entendre prononcer mon nom de langue soufflée. Taïe Bel. Premier étage. Comment? Pas de fumée pour Non. Pas de fil, pas de fil. Étrange, n'est-ce pas? Si les souffles sont invisibles, leurs corps, eux, ne le sont pas. Je décide alors de me rendre sur le terrain afin de trouver l'origine de cet appel. Voici le matériel que j'ai collecté. Saurez-vous retrouver l'appel?